Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous psycho pour parler aujourd'hui de contrôle. Et pour parler de ce sujet, je vous propose de retrouver le docteur Jean Torrideau. Jean, bonjour. Bonjour Émilie. Vous êtes donc docteur en psychologie, également chroniqueur dans les médias comme expert psy. On peut vous écouter notamment sur France Bleu. C'est bien ça? Ah oui, oui, oui. Donc, que ce soit des questions de travail, de vie quotidienne ou même la gestion des vacances, pour certains, il est impossible de laisser le hasard s'en mêler. Tout contrôler jusqu'au moindre détail, d'où vient ce besoin? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite avec le docteur Jean Torrideau. Donc Jean, pourquoi certaines personnes ont besoin de tout contrôler? Alors pourquoi ont-elles besoin de tout contrôler? La réponse en fait, c'est une émotion, c'est la peur. La peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être jugé. On pourrait dire une peur multifacette, multifactorielle. Et la réponse à cette peur, c'est ce surcontrôle. Vous l'avez dit, ne rien laisser au hasard. Et il y a bien sûr un fond d'anxiété derrière tout ça. Et la réponse à l'anxiété, c'est je contrôle, je contrôle, je contrôle. Et c'est ce qui va précisément me rassurer. Et comment on reconnaît une personne maniaque du contrôle? Alors comment est-ce qu'on la reconnaît? En fait, c'est une personne qui ne laisse pas de place. Vous lui proposez de lui rendre service, non, pas besoin. Vous lui proposez n'importe quoi qui va changer un tout petit peu le programme prévu, qui va sortir un tout petit peu des rails. La réponse, c'est toujours non, parce que c'est elle qui est aux manettes, c'est elle la chef d'orchestre, et il n'y a pas de place, ni pour le hasard, ni pour l'autre, même d'une façon générale. Ok, y a-t-il un nom pour désigner ce genre de personne dans le contrôle? Alors, l'expression, je dirais, usitée ces derniers temps, en bon français, c'est « control freak ouais, », c'est de l'anglais, bon français. Ça peut se traduire par « maniaque du contrôle ». D'un point de vue, on va dire, psychopathologique, il n'y a pas vraiment de terme, je dirais, récurrent, de termes usités comme ça. On peut parler dans le langage courant de personnes un peu psychorigides, personnes qui ne supportent pas effectivement que quoi que ce soit se passe comme elles ne l'ont pas prévu. Ok, est-ce qu'on sait d'où ça vient? Est-ce que c'est quelque chose qui vient à un moment donné de du développement ou comme, c'est là... comme souvent en psychologie, puis comme souvent quand on s'intéresse aux sciences du comportement, c'est généralement hérité de l'enfance, avec des personnes qui ont appris par capillarité en réalité, quand on voit des personnes qui d'ailleurs parfois vous expliquent qu'elles souffrent un peu de cette incapacité à lâcher prise, dans le fond, l'inverse de manière du contrôle, c'est un petit peu le lâcher prise, le laisser faire. Et certaines personnes, elles sont tout à fait lucides, elles souffrent, elles vous disent « je sais que je suis hyper contrôlant et ça me fatigue ». Et quand vous échangez avec ces personnes, il y a souvent effectivement un papa, une maman qui était dans le surcontrôle. Et c'est un fait, nous sommes des éponges. Et même quelqu'un qui toute sa vie se dit « jamais je ne serai c'est un classique. Comme papa ou comme maman », finalement... elle se rend compte avec le temps que finalement elle est pareille. Ok, et quel est le revers? Parce qu'on pourrait se dire, c'est génial, je contrôle tout, j'ai la main sur tout, etc. Mais il y a forcément un revers. Ah oui, il y a un à gros, ce comportement. Gros revers. Oui. À Nadal, quoi. C'est une longue médaille. D'abord, c'est très fatigant, c'est épuisant de tout contrôler, parce que c'est un fait que nous ne pouvons pas tout contrôler. Même un pilote d'avion, il a un copilote. Ouais, on ne peut pas tout mieux, contrôler. Même Superman, il a quand même besoin d'avoir du monde autour. Donc c'est extrêmement fatigant, c'est épuisant. Et puis, vous l'avez dit, ça ne laisse pas de place au hasard. Or, il y a certes des hasards malheureux, il y a des hasards heureux. Ouais. Et c'est un fait, si vous voulez, pour les plus mécaniciens et mécaniciennes qui nous écoutent, on peut envisager que même une métaphore mécanique, si vous voulez, ça se sent intuitivement que de tout contrôler, la mécanique ne marche pas bien, si vous voulez. Imaginez, d'un point de vue relationnel, une danse, par exemple. Ouais. Deux personnes qui dansent ensemble, il y a un moment, justement, on ne sait plus qui dirige de l'un ou de l'autre des danseurs. Parce que, ben, justement, les deux sont dans une espèce de lâcher prise. L'énergie. Et ça s'invente. C'est là que 1 plus 1, ça fait plus de 2. C'est l'ensemble. C'est les deux danseurs, les sportifs, la danse sur glace ou autre, en parlent bien et puis le montrent bien. Et c'est vrai que quelqu'un qui voudrait c'est le paradoxe en fait, parce que la danse sur glace, c'est des heures, et puis la danse tout court, des heures d'entraînement, c'est fatigant, c'est douloureux, c'est même parfois contre nature, les danseuses en parlent bien, à quel point le corps peut être douloureux, meurtri, et en même temps, il y a quand même... C'est ça qui permet après... C'est ça qui permet l'abandon, voilà. Qui au moment d'accomplir le geste artistique... Devient la grâce... Fait que c'est beau, voilà, ouais. Qu'il y a un truc en plus, voilà. Donc c'est pas si simple. Maintenant, s'entraîner quand même dans un cadre, précisément, à lâcher prise, à laisser faire, quand même, c'est, vous ne pouvez pas vous tromper, ça fait du bien, ça repose. Bah, vous me poussez à ma prochaine question qui était comment sortir de cette envie permanente de tout contrôler? Parce que c'est fatigant, vous l'avez dit. Oui, alors comment en sortir? Si vous voulez, comme toujours, c'est l'entraînement qui fait l'apprentissage. Et donc, c'est vrai que c'est très important d'avoir un cadre quand même. C'est-à-dire, c'est l'angoisse. Qu'est-ce qui empêche de lâcher prise? C'est l'angoisse que tout s'écroule. Sans filer. Voilà, je me dis, moi, si je lâche prise, il n'y a plus rien qui marche. Donc, l'entraînement au départ, des petits espaces. Typiquement, si vous avez un gros job, que vous êtes très pris, de temps en temps, entraînez-vous 20 minutes de vide. Voilà. Et on vous dit, mais tu fais quoi? Je ne sais pas. Et vous laissez venir. Le vertige. Voilà, c'est vertigineux. Donc au pire, ben, vous allez vous ennuyer. Voilà, bon, 20 minutes, ça va, c'est pas mortel. Et puis au mieux, ben, vous allez avoir la surprise d'une rencontre à la machine à café sympa, d'un échange non prévu. Entraînez-vous sur des petites choses. Chacun son style, chacun son rythme. Si vous avez tendance à prévoir, par exemple, les menus à l'avance que vous allez faire de la semaine, autorisez-vous de temps en temps. Mais il ne faut pas se moquer, hein. C'est vrai que ça peut être hyper anxiogène pour certaines personnes de dire ce soir, je ne sais pas ce que je vais manger. Si ça vous paraît facile, ok. Si ça vous semble insurmontable, eh bien, en douceur, en vous respectant, autorisez-vous, prenez un peu votre élan, mouillez un peu le maillot pour aller dans ce genre d'inconfort-là. En fait, voilà, il ne faut pas vous faire mal, jamais, il faut vous respecter. Et en même temps, faites-vous ce cadeau d'un petit peu d'inconfort. Oui, c'est un cadeau, c'est ça. C'est un cadeau. D'aller à la découverte d'autres choses. Exactement. Ouais. Alors, peut-être c'est compliqué aujourd'hui, il faut réserver à l'avance, mais même sur un billet de train, dire écoute, je ne sais pas à quelle heure je vais prendre mon train. Je ne sais pas. Il faut valider, ça peut coûter très cher à l'arrivée, donc faut pas faire, voilà, faut pas gaspiller. Mais enfin, voilà, faites-vous ce cadeau d'un petit peu d'inconfort sur certains sujets où la barre n'est pas placée trop haut, de prendre un petit risque. De dire, ben, je ne sais pas, voilà, je vais à tel endroit, mais peut-être je ne pourrai pas y aller parce que je n'ai pas de billet. Et à ce moment-là, eh ben, je ferai autre chose, je changerai mes plans. Ça peut être intéressant, ça peut aider à ouvrir positivement l'esprit et à vous vraiment vous ouvrir tout un champ nouveau de possibilités positives. Merci beaucoup, Jean. Et bien sûr, on le rappelle comme toujours, si vous vous reconnaissez dans ce genre de profil, n'hésitez pas à consulter, tout simplement pour apprendre peut-être à mieux gérer l'imprévu, apprendre à lâcher prise. C'est un travail que l'on peut faire avec un psychologue. Ah, c'est un long travail. Oui, on peut le faire avec un psychologue, bien sûr. Là, on a déjà donné quelques astuces, mais en plus de ça, vous pouvez également, quand le problème est plus profond, vous faire accompagner. Il ne faut pas hésiter à rejoindre Jean, par exemple, en consultation privée. C'est tout à fait possible, il vous reçoit à son cabinet, si vous habitez la région parisienne par exemple, ou encore on peut vous consulter, soit par téléphone, oui, c'est ça, oui. Et même en visio en maintenant, visio, bien sûr, ouais. Soyons modernes. Et toutes les informations pour consulter Jean seront dans le descriptif de cette vidéo, il ne faut pas hésiter à le contacter. Merci beaucoup Jean. Merci Émilie. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, à très bientôt.